je chante en français. Une bossa brésilienne. Je chante pour que tu te souviennes que tous les deux on s'est aimé. Je chante en anglais. Cette latino-américaine, même si je ne t'ai pas dit je t'aime, j'ai envie ce soir de te voir danser. And before my life was full of light and happiness, you love completely changed my life. And now I sing, I cry, I pray. I hope you come again. Hope you come again.